neigeait sur l'Himalaya. C'est banal dans ces pays-là. Au milieu des drapeaux de soie, les gosses jouaient sans avoir froid. On ne sait pourquoi, soudain une invasion de rats. Pourtant pas d'or noir dans tes convois, du sel, du beurre, beaucoup de foie. Alors Tibet, accroche-toi, nous on aime ta voix. Tibet, Tibet, ne pleure pas. Abandonné par les médias, pourtant bien souvent aux abois, il serait temps que cesse le glas. 30 ans c'est trop dans cet état. Alors Tibet, accroche-toi, nous on aime ta voix. Tibet, Tibet, ne pleure pas. Les dieux n'ont plus trop la loi. Les gosses jouent toujours, mais ils ont froid. Tous les fusils braqués des Chinois. Les gosses jouent toujours, mais ils ont froid. Tous les fusils braqués des Chinois.